France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Christian Didier, l'homme qui a tué René Bousquet. Le 8 juin 1993, l'ancien secrétaire général de la police du régime de Vichy est assassiné à Paris. Dans l'heure qui suit, un homme convoque la presse et revendique être l'auteur du crime. Cet individu de 49 ans, au moment des faits, érémiste et habitué des visites en hôpital psychiatrique, répond au nom de Christian Didier, donc. Et il affirme avoir tué le monstre dans le cadre d'une mission divine et parce que la justice n'a pas fait son travail. Fantôme des années noires de l'occupation et des horreurs commises par le régime de Vichy, René Bousquet, 84 ans, avait jusqu'ici réussi à échapper à un procès pour crime contre l'humanité. Mais son passage devant les assises n'était plus qu'une question de moi. Mort, l'ancien collaborateur du maréchal Pétain, de Pierre Laval et des nazis, échappe donc à tout jugement. Et il emporte dans sa tombe ses secrets et sa part de vérité sur les crimes vichistes. Telle est la faute majeure de Christian Didier. Notre invité aujourd'hui, Arnaud Montebourg, ancien ministre, il était l'avocat chargé de défendre Didier avec son confrère Thierry Lévy. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Adrien Cara, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Allô ? Je suppose que vous êtes au courant. Bousquet est mort. C'est moi qui ai tué cette ordure. Je vais me constituer prisonnier dans l'après-midi, mais avant, je veux vous rencontrer. J'ai un message à délivrer. Venez me rejoindre à la sortie du métro Porte des Lilas, en face du McDo. Mardi 8 juin 1993, Paris. Il est 10h30, lorsque le téléphone sonne dans la salle de rédaction du journal Le Monde. À l'autre bout du fil, une voix calme, froide, déterminée, celle d'un homme d'une quarantaine d'années, il appelle pour revendiquer le meurtre de René Bousquet. Quelques minutes plus tôt, une dépêche urgente de l'AFP avait annoncé la mort de l'ancien secrétaire général de la police de Vichy, assassiné à son domicile dans les quartiers ouest de Paris. Sur place, l'agence de presse française précise que les policiers de la brigade criminelle ont bouclé les alentours et procèdent aux premières constatations. Ils relèvent les indices, ils interrogent les voisins. Afin de prouver qu'il ne s'agit pas d'un canular, l'homme consent à donner aux journalistes les détails sur ce qui s'est passé. Des éléments connus alors uniquement des enquêteurs et bien sûr de l'assassin. Bousquet habitait au 6e étage du 34 avenue Raphaël. J'ai pénétré dans son appartement vers 9h30 en lui disant que j'avais une citation à comparaître à lui faire lire. C'est là que je lui ai tiré dessus. 4 fois. Avec mon revolver de calibre 38. Ensuite, je me suis enfui en courant, j'avais son majordome à mes trousses. J'ai réussi à le semer lorsque je suis descendu dans le métro. Plus la conversation avance, plus l'homme au téléphone a du mal à contenir ses nerfs. À plusieurs reprises, il insiste pour que le journaliste du Monde lui donne les numéros de téléphone de TF1 et de France 2. Au moment de raccrocher, il rappelle le lieu et l'heure du rendez-vous et avertit son interlocuteur. Attention, ne venez pas avec des fachos. Une heure plus tard, à 2 pas du boulevard périphérique, c'est dans une petite chambre d'hôtel de la Porte des Lilas que l'homme à l'origine du mystérieux coup de téléphone reçoit les journalistes. Entassés les uns sur les autres, dans cet espace exigu, assis pour certains par terre, pour d'autres sur le lit, les reporters dévisagent en silence leur hôte. La chaleur de la pièce est étouffante. Il flotte dans l'air à la fois une certaine tension et une sensation surréaliste. À quelques mètres de là, assis sur une chaise, visage à moitié masqué par des lunettes de soleil, cheveux gris, jeans délavés, épaules rouges, l'homme se présente au reporter. Il dit s'appeler Christian Didier. Il a 49 ans, il est érémiste. Il commence par une sorte de plaidoyer pro domo dans lequel il exprime l'horreur que lui a inspiré René Bousquet. Un type, dit-il, qui était chargé de l'épuration ethnique des Juifs, qui a envoyé 20 000 adultes et 5 000 enfants dans les camps. Et Christian Didier poursuit, mélangeant histoire personnelle, opinion personnelle, saupoudrée de quelques références ésotériques, évoquant notamment sa mission sur Terre, son errance divine et le souffle de Dieu. J'ai mis 6 mois avant de me décider à le supprimer. Je manquais de courage. J'avais peur, j'avais une putain d'angoisse aux tripes. Un jour comme ça, par hasard, l'idée m'est venue en me promenant en forêt. Puis j'ai entendu une voix qui m'a dit de le faire. C'est la première fois que je tue quelqu'un. Éliminer un monstre est honorable. C'est la victoire du bien sur le mal. D'Eros sur Thanatos. Présent dans la pièce, le journaliste de Libération sort de Chalandon raconte. Assis, debout, partout à la fois, jetant ses bras en l'air, actionnant à bout de doigts une détente invisible, Christian Didier refait pour quelques-uns le geste de tuer. Dans son sac de sport, il montre un revolver et il parle, fébrile, le visage épuisé de tics, la pensée en désordre. Il parle les yeux clos, tremblant du corps, prétend avoir écrasé un serpent, une bête malfaisante, bouscule les phrases éparpillées, dit « Dieu, les juifs, les poètes ». La caméra TF1 enregistre chaque instant de cette séquence ahurissante. Et lorsque le journaliste Benoît Duquesne demande à Christian Didier de lui décrire le face-à-face avec René Bousquet, l'homme raconte avec force détail son passage à l'acte. C'est M. Bousquet qui vous a ouvert la lunette. Ah ben j'ai reconnu de vue parce que j'avais vu sa photo à la télé plusieurs fois. Et puis en plus je me suis adressé, j'ai dit Monsieur René Bousquet, voici Monsieur René Bousquet, vous êtes sûr que je ne tuais pas quelqu'un d'autre. Voici vous concernant, tel papier, tout le monde. Bon, j'avais l'arme cachée dans la sacoche, ce que je vous ai montré. Ben, je vais vous passer ces documents qui sont nécessaires. Vous devrez en prendre connaissance, les lire et les transmettre lors de votre convocation au procureur. Au lieu de prendre des documents, j'ai sorti le revolver, j'ai tiré à bout portant. Il a foncé sur moi, il avait une énergie inouïe ce type-là, j'ai tiré une deuxième fois, il a continué à foncer sur moi, une troisième fois, il a commencé à se lancer, mais il courait encore sur moi, et la quatrième fois, là j'ai tiré dans la tête ou dans la nuque, je sais pas, j'ai pas bien vu, et là il est tombé, le sang qui pissait avec le truc dans la main, là, avec le papier dans la main. Entre les journalistes et Christian Didier, il n'y a pas vraiment de dialogue. Les questions des premiers font face aux moments d'absence, aux digressions, et parfois à l'énervement du second. Une chose est sûre, cette étrange conférence de presse tourne court. Une demi-heure plus tard, en effet, on frappe à la porte de la chambre. Christian Didier pense qu'il s'agit de l'équipe de France 2. L'homme maugrait qu'il aimerait qu'on lui laisse 5 minutes pour aller pisser, je cite. Mais en l'espace de quelques secondes, il se retrouve menotté et emmené manu militari. L'assassin présumé de René Bousquet n'offre aucune résistance aux policiers qui viennent de débarquer. Non, il demande juste à ce qu'on n'oublie pas son sac, celui qu'il a préparé pour sa garde à vue, et sa sacoche, avec arme de crime. La caméra TF1 continue de filmer. Une fois dans la rue, Didier hurle au journaliste de partager son message. L'instant d'après, les policiers l'embarquent dans une voiture qui part en trombe, toute sirène hurlante. Au 36 quai des Orfèvres, siège de la brigade criminelle, derrière la glace sans teint de la salle d'interrogatoire, le patron de la PJ, Claude Cancès, observe. Voilà 1 heure que Christian Didier est assis là. Face aux enquêteurs, il livre les détails sur la préparation, et donc la préméditation, puis le déroulement de son expédition punitive pour tuer Bousquet. Il avoue même aux enquêteurs avoir pensé un temps liquider un autre collabo, Paul Touvier, mais dont il n'a pas réussi à obtenir l'adresse. La veille de meurtre, Christian Didier explique avoir quitté le domicile de sa mère chez qui il vit, dans une petite commune des Vosges. Il dispose de l'adresse de la victime, il l'a eu grâce à des journalistes qu'il a appelés sous un faux prétexte. Il porte une arme à feu, nettoyée, chargée. Il ne lui reste qu'à débarquer chez Bousquet au bon moment. Pour les enquêteurs de la brigade criminelle, la vraie question concerne le mobile du meurtre. Face à la presse, Christian Didier a tenté de se justifier d'un crime pour défendre le bien et éradiquer le mal. Je reprends ses mots. En clair, il a tué l'ancien collaborateur du régime de Vichy pour venger les milliers de victimes. Pourtant, né en 44, Christian Didier est trop jeune pour se souvenir de la guerre. Il n'a pas vécu les rafles. Il n'est pas juif. Il n'a aucun lien avec la communauté juive. Alors, comment peut-il prétendre venger qui que ce soit ? Eh bien, c'est pour trouver la réponse à cette question que les journalistes se rendent à Saint-Dié-des-Vosges. Sur place, les habitants décrivent un homme solitaire. Un gars certes un peu con, oui c'est le mot qui revient le plus souvent, mais qui n'a rien d'un fou. je trouvais que c'était un garçon très intelligent. En fonction du parler, tout ça, je sais que c'était un garçon qui était un peu simple. C'était un garçon sympathique. Bah, c'est, oui. De quoi parlait-il quand il parlait avec vous? Oh, bah, jamais trop. Il ne vous a jamais parlé des coups médiatiques? Ah, absolument pas. Il ne faisait jamais allusion à rien. Non, non. Moi, quand il allait marcher avec nous, que ce soit dans le Haut-Jacques, on discutait de choses et d'autres, il avait toujours un berger, hein, mais il parlait jamais de politique, de quoi que ce soit. Non. Ça vous a étonné? Assez, oui. Je l'ai vu la semaine dernière, il est encore à Saint-Dié. Parce qu'il faisait souvent du footing le matin et puis il faisait de la gymnastique sur les quais, mais autrement, il dérangeait personne. Dans cette affaire qui ne ressemble à aucune autre, les flics de la CRIM ont tout entre leurs mains pour boucler l'enquête. Il y a d'abord le corps de la victime, dont l'autopsie est en cours. Les premières constatations confirment qu'il a bien été tué de 4 balles, comme l'a affirmé Christian Didier au journaliste. Il y a ensuite l'arme du crime. Un pistolet de type Remington, retrouvé dans la sacoche de Didier, dans sa chambre d'hôtel. Une arme qui correspond à celle qui a tué la victime. De ce côté-là, tout est clair. Et au-delà des éléments matériels, les enquêteurs disposent aussi des aveux complets du suspect. Et même d'un témoin, le majordome de René Bousquet. C'est lui qui a ouvert la porte de l'appartement à Christian Didier. Et c'est encore lui qui l'a poursuivi dans la rue après que celui-ci a tiré sur son patron. Oui, tout concorde. Tout accuse Christian Didier. Mais au dossier criminel s'ajoute un autre élément qui vient complexifier l'affaire. Car en vérité, et contrairement aux apparences, Christian Didier n'en est pas à son coup d'essai. 6 ans plus tôt, en effet, en 87, il a été condamné à de la prison à sursis pour port d'armes prohibées. Et là encore, comme le confie l'écrivain Henri Raximoff, auteur d'un livre sur l'affaire, Didier voulait tuer un ancien criminel nazi. Il a voulu tuer Barbi dans sa cellule à Lyon avec un revolver. Il avait constitué un faux certificat médical lui donnant accès à titre de médecin, urologue pour examiner Barbi. Et puis évidemment, le portique a détecté son arme. Il a été arrêté. Il a fait une petite conférence de presse. C'était dans les années 80. Il a escaladé les grilles de l'Élysée. On l'a pris. Alors, il a réussi son coup. La gendarmerie l'a intercepté dans les jardins de l'Élysée. Donc la police connaissait très bien cet homme qui avait séjourné plusieurs fois dans les hôpitaux psychiatriques, depuis son enfance d'ailleurs. Dans les colonnes du journal Le Monde, le reporter Erich Insian rappelle les grandes lignes de l'itinéraire personnel chaotique et provocateur de Christian Didier. Une jeunesse difficile, des passages répétés par l'hôpital psychiatrique, et surtout, une série de projets rocambolesques pour faire parler de lui. En l'espace de quelques années, Christian Didier, ancien serrurier, archiviste, chauffeur-livreur, puis, selon ses dires, chauffeur de star, fait tout pour entrer dans le jeu médiatique, comme écrivain. Son mot d'ordre, écrit Erich Insian, éditez-moi. Le journaliste du Monde rappelle par exemple qu'au début des années 80, Didier fait Strasbourg-Paris à pied, oui, pour attirer l'attention d'un éditeur. Ensuite, il fait irruption à plusieurs reprises sur les plateaux de télé, et notamment chez Michel Drucker. Plus tard, il provoque Jean-Marie Le Pen en duel. Lors de la fête de l'humanité, il essaie d'arracher le micro de marché. Il perturbe également la cérémonie des Césars. Pour les policiers, ce passé mouvementé vient s'ajouter aux déclarations de Didier concernant les voix divines qu'il prétend entendre. En mode Jeanne d'Arc, il aurait entendu des voix qui lui auraient demandé de passer à l'action et de tuer René Bousquet. La justice demande donc une expertise psychiatrique de ce drôle d'individu pour savoir s'il peut être jugé responsable de ses actes. Il est placé en détention provisoire à la prison de la Santé à Paris. À la sortie d'un parloir, son avocat commis d'office, Arnaud Montebourg, s'exprime face aux journalistes. Christian Didier ne veut pas aller à l'hôpital psychiatrique. La preuve, c'est qu'il n'est pas fou. Donc ça aurait été quelqu'un qui n'est pas fou dans un hôpital pour des fous. Christian Didier a conscience qu'il a tué un homme, mais aussi un symbole d'une France qui refuse de regarder son histoire et ses propres crimes en face, qui a occulté pendant 50 ans ses crimes, et il en est conscient, mais en même temps, il sait ce que recouvre son geste et les conséquences que, intérieurement, lui ressent. En ce mardi 8 juin 1993, l'annonce de la mort de René Bousquet fait la une de l'actualité, bien sûr. Dans les villages de Saint-Dié-des-Vosges, les journalistes font toujours le biais de rue, sur le trottoir de la rue Saint-Charles, en face du domicile de Christian Didier. À cette époque, il n'y a pas encore de téléphone portable. Beaucoup ignorent donc l'assassinat. C'est le cas de Marie-Thérèse Didier, la mère de Christian. C'est lorsqu'elle allume la télé pour regarder le JT de 20h que cette dame de 75 ans entend le nom de son fils et découvre les images de sa conférence de presse. Elle s'effondre. Des journalistes sonnent à sa porte. Encore sous le coup de l'émotion, elle répond à leurs questions. Un témoignage qui offre une explication sur le passage à l'acte de son fils. Il était, tous ces temps-ci, très dépressif. Il ne parlait presque plus, il ne mangeait presque plus, il était très renfermé. Il n'ouvrait la bouche que pour parler de religion et de mysticisme. Quand Bérégovoy s'est suicidé, il m'a dit qu'il voudrait avoir ce courage. Et puis ils ont parlé à la télé du procès Touvier qui était renvoyé devant les assises. Christian a été bouleversé par les reportages sur Touvier. Christian disait que Touvier ne paierait jamais pour tous ses crimes durant la guerre, qu'on ne lui ferait rien. Je pense que c'est ce qui a tout déclenché. Écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui Christian Didier, l'homme qui a tué René Bousquet. Affaires Sensibles. Fabrice Drouel. René Bousquet a été assassiné chez lui ce matin à Paris par Christian Didier, qui avait suivi plusieurs traitements psychiatriques. René Bousquet était l'ancien secrétaire général de la police de Vichy, tenu pour responsable de la rafle du Veldiv, de la déportation de juifs et de résistants. René Bousquet avait été inculpé récemment de crimes contre l'humanité à la suite d'une nouvelle démarche menée par maître Serge Klarsfeld. Le procès de cet homme, considéré comme un collaborateur précieux par Himmler, un procès que les résistants et les familles des victimes du génocide attendaient depuis fort longtemps, n'aura donc pas lieu. Mardi 8 juin 1993, l'assassinat de René Bousquet provoque des réactions contrastées partout en France, entre soulagement, sidération et frustration, et parfois même les trois en même temps. Un peu plus tôt dans l'après-midi, c'est à son domicile que l'avocat Serge Klarsfeld, président de l'Association des fils et filles de déportés de France, juifs de France, apprend la nouvelle. Voilà plus d'une décennie qu'il traque Bousquet. Dans son bureau, des dizaines de grands classeurs, avec à l'intérieur, archives d'époque, témoignages, photos, un véritable dossier d'accusation. Des milliers d'heures de travail qui aujourd'hui partent en fumée avec la mort du principal intéressé. Alors quand il apprend la nouvelle, Klarsfeld est sous le choc. Il craint en premier lieu qu'un enfant déporté voulu se venger et qu'il ait commis un geste malheureux. Une crainte qui se transforme en sidération lorsqu'il découvre le nom et le visage de l'assassin de Bousquet, Christian Didier. Un homme sorti de nulle part et qui, de manière illégitime, s'est intronisé justicier aux dépens des dizaines de milliers de victimes légitimes de Bousquet. Dans un entretien au journaliste du Monde, Serge Klarsfeld admet que même s'il aurait préféré un procès, il est partagé entre frustration et soulagement. Oui, soulagé que Bousquet soit enfin mort et que la traque prenne fin. Un sentiment qui rejoint également celui d'Alette Muller, rescapée de la rafle du Veldiv. C'est un geste qui ne m'étonne pas du tout. Parce que, effectivement, devant la lenteur de la justice, beaucoup de gens peuvent avoir envie de régler des comptes. J'aurais vraiment préféré qu'il soit jugé, mais comme par ailleurs, je doute très fort qu'il ait été jugé, après tout, il y a une certaine justice qui s'est faite. C'est mon opinion. Jusqu'à son assassinat en juin 1993, cela faisait presque un demi-siècle que René Bousquet échappait à la justice. Longtemps, il s'est caché derrière des vieilles amitiés et surtout derrière une histoire d'une vie aux trajectoires alambiquées. Ce qui la rend confuse, difficile à interpréter. Seul dénominateur commun à tous ces virages et ces revirements, le choix de Bousquet de toujours privilégier ses intérêts et de servir sa carrière. Comme beaucoup de collabos, Bousquet est un opportuniste, plus qu'un idéologue, un individu qui profite des malheurs de son pays pour faire son trou, attrait du pouvoir et des avantages qui vont avec. Je ne suis quand même pas le seul autour de cette table à avoir continué à travailler sous Vichy, non ? J'ai jamais cherché à cacher ce que j'avais fait parce que j'ai pas à en rougir. J'aimerais bien savoir ce qu'ils auraient fait dans les mêmes circonstances que nous. Haut fonctionnaire modèle sous le Front populaire dans les années 30, devenu ensuite le plus jeune sous-préfet de la République, Bousquet rencontre Pierre Laval avant la guerre. Pierre Laval, ce politicien qui mènera avec zèle la politique anti-juive de répression puis de déportation, allant parfois au-delà des requêtes de l'occupant allemand. C'est donc lui, Laval, qui vient chercher Bousquet et le nomme secrétaire général à la police en 1942. Le territoire français est alors coupé en deux, au nord de la ligne de débarcation, la zone occupée, au sud, la zone dite libre. Dès son arrivée, Bousquet renforce la collaboration avec les forces allemandes présentes en zone occupée. Dans une lettre adressée au chef des SS en France, il met en avant les qualités de la police française, qui, je le cite, est susceptible de rendre les plus grands services. Quelques jours plus tard, Bousquet rencontre le chef de la SS en France pour préparer les grandes rafles réclamées par les nazis. Et ce jour-là, il devient à presque 33 ans un acteur de ce qu'on appellera plus tard la Shoah. Les nazis veulent l'arrestation de tous les juifs étrangers en territoire occupé. Bousquet met à leur disposition sa police, les bras ouverts, du côté du plus fort. Pire, il propose aux nazis de les aider à faire arrêter des juifs étrangers qui se trouvent, eux, en zone libre, autrement dit, sous contrôle du gouvernement de Vichy. Comme l'explique l'historien René Raymond, Bousquet était en 1942 l'un des piliers de la collaboration entre Vichy et l'occupant nazi, plus que celui d'un Touvier ou d'un Papon. Des trois noms que l'on rapproche toujours, c'est celui de René Bousquet qui était le plus important, compte tenu des responsabilités qu'il avait exercées. Ça aurait été le procès d'une des séquences de la collaboration, et peut-être de celle où la collaboration a été le plus poussée le plus loin. René Bousquet illustre à merveille cette politique, puisqu'il arrive à cette fonction de secrétaire général de la police lorsque Laval revient au pouvoir. Et le voilà à la tête de toutes les forces de police, de maintien de l'ordre, de répression, pendant plus d'un an et demi. C'est Darnan qui lui succédera par la suite. Darnan qui, lui, a été arrêté, jugé et fusillé, il faut le rappeler. Et tout compte fait, le bilan de René Bousquet n'est guère inférieur à celui de Darnan. Ils sont là ! Ils arrivent ! Tais-toi ! Ils prennent les enfants aussi ! Les enfants ! Taisez-vous ! Taisez-vous ! Allez, on met tout de suite, là ! Sauvez-vous ! C'est dans ce contexte qu'intervient la rafle du Veldiv, ce jour terrible de juillet 42, où, sur ordre du gouvernement de Vichy, policiers et gendarmes français arrêtent, rassemblent et enferment plus de 13 000 juifs étrangers, parents, enfants. Ils sont tous innocents, qu'importe, ils seront tous déportés. Une grande majorité d'entre eux recevra un aller simple vers la mort, un voyage sans retour par le train pour le camp d'Auschwitz, en Pologne. Les autres seront emmenés au camp de Drancy, sorte d'antichambre de la mort. Des 13 000 déportés du Veldiv, seule une petite centaine reviendra vivante. Un acte criminel organisé par le secrétaire général de la police, René Bousquet. Un point sur lequel insiste l'avocat Serge Klarsfeld. Bousquet incarne réellement la rafle du Veldiv et cette honte des enfants non seulement arrêtés mais séparés de leur mère à coups de crosse pour que les mères soient déportées avant, parce que les policiers français n'avaient pas le courage de demander aux Allemands qu'on déporte les mères et les enfants ensemble. C'était un homme supérieurement intelligent, mais un patriote fourvoyé qui a mis son intelligence au service des nazis. Et comment qualifiez-vous l'aide que vous avez apportée aux nazis dans leurs entreprises criminelles? C'est pendant que vous dirigiez la police française que les déportations de juifs furent les plus massives. 40 000. On voyait une mort certaine. J'ai toujours ignoré où ils allaient et quel sort les attendait. En 1949, Bousquet comparaît devant la Haute Cour de justice lors des grands procès de l'épuration. Le dossier d'accusation contre lui est faible. Au sortir de la guerre, il n'existe pas de recherche historique sur les rafles. Et Bousquet met en avant ses liens avec la résistance pour faire bonne figure. Et après 3 jours de débat, il est acquitté du chef d'accusation pour atteinte aux intérêts de la défense nationale, mais déclaré convaincu du crime d'indignité. Allez comprendre. En tout cas, il échappe à la prison. Après la guerre, il se reconvertit en homme d'affaires. C'est le début d'une carrière prospère de plusieurs décennies, notamment à la tête de la compagnie aérienne Uther, puis comme actionnaire des verreries Baccarat. Une situation ubuesque au regard de ses crimes durant l'occupation. Mais une situation pour laquelle l'historien Henri Amouroux a une explication. J'avais toujours entendu dire, et j'avais toujours dit moi-même, que Bousquet ne paraîtrait jamais en justice. Parce qu'il y avait certainement autour de lui un réseau de protection très influent. Il ne faut jamais oublier que Bousquet s'est réintégré dans la vie civile, qu'il a été au conseil d'administration d'un grand journal, qu'il a été au conseil d'administration d'une importante compagnie d'aviation pendant des années et des années, jusqu'au moment où, quand même, on a dit « Monsieur Bousquet, c'est bien le même qui ?» Son assassinat en juin 1993 réveille une vive polémique au sujet de la lenteur de la justice en France, en particulier sur les affaires liées à la collaboration. Après des décennies passées entre les mailles du filet, comment expliquer en effet que d'anciens collaborateurs du régime de Vichy, au rang desquels figurent notamment Paul Touvier et Maurice Papon, aient pu avoir des postes à responsabilité dans les entreprises ou occuper de nouveau le statut de haut fonctionnaire? Comment expliquer que malgré la pression des associations des familles déportées, les procédures judiciaires ont connu autant d'errements et de retards? Le cas de René Bousquet est symptomatique de cette situation. Si l'enquête et l'instruction contre lui sont terminées, de nombreuses rumeurs, propagées par les journalistes notamment, laissent à penser que la relation d'amitié de Bousquet avec le président Mitterrand lui permet de retarder l'échéance judiciaire. Un an plus tard, en 1994, la sortie du livre du journaliste Pierre Péan, intitulé « François Mitterrand, une jeunesse française », vient relancer le débat sur cette question. Au-delà de la photo de Mitterrand avec Pétain, la relation du président de la République avec l'ancien secrétaire général de la police de Vichy est clairement exposée. En tout cas, pour Serge Klarsfeld, il ne fait aucun doute que c'est l'amitié qui lie depuis 50 ans François Mitterrand à René Bousquet qui explique en partie le retard dans l'instruction de ce dossier judiciaire. Ce qui reste à prouver. C'est sous le feu des flashs des appareils photos et la lumière des caméras que le procès aux assises de Christian Didier s'ouvre le 8 novembre 1995 au Palais de justice de Paris. Un exercice pas banal, rapporte le journaliste de Libé, Sor Chalandon, présent à l'audience. Aujourd'hui, en effet, le président et l'avocat général vont devoir juger un assassin à la lumière de ce que sa victime a commis. L'accusé est en effet Christian Didier, mais le nom de René Bousquet, comme dans ce récit d'ailleurs, revient presque systématiquement à chaque page du dossier d'instruction. Longtemps, Didier a cherché la lumière des projecteurs. C'était devenu un jeu, un pari, une obsession. Il voulait se faire voir et être vu de tous. Il est aujourd'hui seul dans le box des accusés, et c'est vers lui que tous les regards se tournent. Devant les journalistes, Didier joue Didier et redevient celui qu'il était 2 ans plus tôt, virevoltant, provoquant, instable dans son tempérament. On va abréger là les gars, parce qu'on ne peut pas passer la journée avec ça. Hein. J'ai consenti, parce que vous faire voir ma bobine pendant quelques instants, mais je ne veux pas passer l'après-midi. Hein. Dans la salle d'audience, le fils de René Bousquet est là, tout comme le maire et des membres de l'association de mémoire des victimes de la guerre à Saint-Dié-des-Vosges. La mère de Christian Didier est présente elle aussi. Et si elle condamne le geste de son fils, elle réclame l'indulgence des juges. Non loin, on trouve également Annette et Michel Muller, tous deux rescapés du Vel'd'Hiv, tout comme Joseph Weissmann, à leur côté. Appelé à témoigner par Arnaud Montebourg, il explique à la barre qu'il aurait voulu tuer Bousquet lui-même, Joseph Weissmann. Christian Didier, lui, se livre à une psychanalyse à haute voix. « J'ai toujours été ailleurs, et c'est ailleurs, m'a coûté cher. J'ai basculé, j'ai associé Bousquet au mal. Vous comprenez, j'étais persuadé que je faisais le bien, que je vengeais les Juifs, que j'effaçais une tache noire dans l'histoire de France. » À plusieurs moments, l'accusé a le regard fixé au plafond. Face aux questions de la cour, il admet regretter ce qu'il a fait. « C'était le geste d'un fou, lance-t-il avec véhémence. » Avant d'ajouter « Je ne suis pas fou. » Accusé, levez-vous. 46 ans séparent le procès de René Bousquet devant la haute cour de la République de celui de Christian Didier devant la cour d'assises. Quand le fils de Bousquet, Guy, vient s'exprimer à la barre, il martèle qu'on ne juge pas une période à travers un homme. Et il ajoute « Mon père a aussi fait descendre des milliers de juifs des trains de la mort ». Les avocats de Christian Didier, Thierry Lévy et Arnaud Montebourg, plaident le crime civique et demandent l'acquittement de leurs clients au nom, disent-ils, de l'histoire. De son côté, l'avocat général Philippe Bilger réclame 10 ans d'emprisonnement. Mais fait rare aux assises, il reconnaît de larges circonstances atténuantes à Christian Didier. Au bout du compte, 10 ans de prison, Didier retourne en cellule. Il est finalement libéré au mois de février 2000 et repart vivre dans son village de Saint-Dié-des-Vosges. L'histoire de Christian Didier est celle d'un homme qui avait soif de reconnaissance. L'histoire de René Bousquet est celle d'un homme qui cherchait à se faire oublier. Conséquence, l'histoire retiendra que Bousquet a bien eu droit en 95 à son procès, mais à défaut d'avoir été l'accusé, il était cette fois la victime. Christian Didier a été libéré en 2000. Il meurt dans l'anonymat en 2015 à son domicile de Saint-Dié-des-Vosges des suites d'un cancer du poumon. Aujourd'hui, Christian Didier, notre invité Arnaud Montebourg. Bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Et d'abord, merci d'être venu jusque-là de votre terre à la fois électorale et votre terre natale, la Saône-et-Loire. Ex-électorale, hein, natale, mais natale. Où j'habite. Voilà. Ancien ministre, ancien député, vous n'êtes pas là ex qualité, vous êtes là parce que vous avez été l'avocat commis d'office chargé de défendre Christian Didier avec votre confrère Thierry Lévy. Et vous êtes aujourd'hui le président fondateur des équipes du Made in France, donc on dira un mot à la fin de l'émission. À l'écoute de ce récit, quel est le premier souvenir qui vous revient à l'esprit, soit le procès, soit Christian Didier lui-même, ou votre première rencontre? Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Le courage de ce garçon, de cet homme, qui avait décidé de finalement donner sa vie à la France, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il disait, moi, qu'est-ce que je suis? Je suis rien. À quoi j'ai servi? À rien. Mais je pourrais être utile à mon pays en faisant le bien. Je résume son syllogisme intérieur, vous voyez, sa logique un peu illuminée, qui va très loin, ce qui est très bien expliqué. Je vous remercie pour cette reconstitution extraordinaire que vous avez faite de cette histoire tragique pour tout le monde. Et donc, Didier, c'était d'abord un homme sincère. Et alors, il m'a dit une phrase, quand je suis allé le voir, j'ai été commis d'office par le bâtonnier qui me téléphone, me dit « Montebourg, c'est pour toi, tu es le premier secrétaire, tu prends ce dossier, il n'a pas d'avocat ». Et je dis « Viens bien, monsieur le bâtonnier ». Et je suis allé à la santé. Je l'ai rencontré, là il m'a raconté, il était encore dans cette, il sortait de sa du parquet, du juge d'instruction, et là il me dit, je me suis dit quand Bousquet a répondu à l'interphone, quand faut y aller, faut y aller. Donc c'était comme une sorte de mission qui s'était fixée. Il n'en était pas obligé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, il y avait dans cet homme une forme de sincérité désarmante. Les choses étaient assez simples. Bousquet, c'était qui ? C'était un salaud pour lui. Pour lui. Tout le monde, d'ailleurs. Non, mais... Ouais, mais pour lui, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il disait... Alors, Pétain était condamné à mort, Laval était condamné à mort, Darnand était condamné à mort, il n'y a que Pétain qui a été gracié par De Gaulle, tous les autres, ils ont été pendus ou fusillés, et lui, rien. C'était le ministre de l'Intérieur, de Vichy, secrétaire général de la police de Vichy, on ne sait pas ce que c'est. On pense à un préfet, un super préfet. Non, c'était le ministre de l'Intérieur qui a organisé les rafles. Voilà, et donc ça, évidemment, c'était pour lui une sorte de dévouement à une cause. C'est pour ça qu'on a plaidé, et que j'ai plaidé, sans succès, le crime civique. Mais nous avions... Qu'est-ce que ça veut dire le crime civique dans le droit français, c'est quoi ? Ça n'existe pas. Ah, c'est pas ça que je vous ai dit. Non, mais ça n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le fait de commettre une infraction se justifie, il y a le mot juste dans le justifie, vous voyez, dans les circonstances. Oui, d'ailleurs, la loi reconnaît l'état de légitime défense, l'état de nécessité. Il y avait une sorte de nécessité publique. D'ailleurs, beaucoup de témoins sont venus à la barre. Certains ont été retrouvés dans votre émission qui sont venus dire « Franchement, il aurait dû être exécuté à la libération. C'était juste. Je ne suis pas d'accord. » Alors évidemment, tout le monde est torturé parce que... Et nous-mêmes, ces avocats également. Ah, j'allais vous poser la question. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du crime. Non, mais est-ce que vous êtes dit, pardon, est-ce que vous êtes dit, bon, tout le monde a droit à un avocat, évidemment. Vous êtes vous-même avocat. Est-ce que vous vous êtes dit, oui, mais quand même, le meurtre de René Bousquet empêche un procès pour l'histoire et je vais défendre quelqu'un qui empêche un procès pour l'histoire. Est-ce que ça vous gênait aux entournures ? Mais ça, c'est le procureur qui était chargé de le dire. Nous sommes la défense. Nous n'avons pas accablé celui que nous sommes chargés d'aider. Nous sommes des médecins. Nous devons aider les gens dans la peine, la difficulté, même quand ils ont commis des choses abominables. Et donc, le partage dans la conscience, à cette époque-là, de à peu près tous les acteurs de cette affaire, mais je pense aussi les Français qui ont suivi ces questions, c'était de dire... c'était injuste qu'il n'ait pas été poursuivi, condamné. Mais c'était aussi... il y avait quelque chose d'irrésistible à ce que ça se termine comme ça. Vous voyez ? Et donc, le crime civique, il y avait un exemple. D'accord. À la cour d'assises de Paris, 1926, Petliura était celui qui avait été l'organisateur en Ukraine de pogroms dans les années, au début du siècle précédent. Ouais. Chef de l'armée ukrainienne... à l'époque de la formation de l'Union soviétique. Mmh. Et il y avait un juif, Schwarzbach, qui d'ailleurs s'était engagé pendant la guerre de 14 dans l'armée française, dans la Légion étrangère, avait eu une guerre magnifique, avait eu une Légion d'honneur, et était allé assassiner Petliura à Paris, rue Racine. Son avocat, Henri Torres, qui d'ailleurs fut le maître de Robert Badinter. Oui, c'est long. Henri Torres, grande voix, extraordinaire, juif lui-même, a plaider l'acquittement pour acte civique. Et il a été acquitté. Mais c'était un juif. Sa famille avait été victime en Ukraine des pogroms du dit Petliura. Et lui-même avait des états de service pour la France exemplaires. Il avait été militaire, il avait eu la Légion d'honneur, il avait servi la France. Bon, Didier, oui, c'était pas le bon profil, vous voyez ce que je veux dire. Ah bah vraiment pas, on l'a dit dans le récit. Voilà. Ouais. Et donc, Didier n'a pas été dans sa défense pendant son procès, à la hauteur de son acte. Il s'est effondré sur lui-même. Il a perdu pied. Il n'a pas été à la hauteur. Tout mon travail, comme son défenseur, était de lui dire « Vous avez fait quelque chose qu'on vous reprochera, qui est reprochable, mais qui contient une part de justesse. » Je n'ai pas dit de justice. Oui, j'ai bien entendu. Et ça, vous devez vous en servir pour ne pas faire trop d'années de prison. En tout cas, mon objectif, c'est que vous fassiez moins d'années de prison que Bousquet, Papon, Touvier réunis. Il était avec vous coopératif. J'imagine qu'il y a des clients qui sont moins faciles que d'autres à emmener dans la stratégie de défense. C'était un homme très, très, très tourmenté. Je l'ai vu, j'ai retrouvé mon vieux permis de visite à la santé. Il y a eu 52 coups de tampon. Je l'ai vu en 2 ans 52 fois. C'est presque, vous voyez, c'est presque une fois tous les 15 jours, presque toutes les semaines. Et cet homme était très, très tourmenté, perturbé. Il invoquait souvent la transcendance divine. Il écrivait, il était scriptomane, il écrivait énormément. Nous avions des discussions extrêmement approfondies. Évidemment, la seule question qui est venue à chaque fois, j'ai été convoqué par Simone Veil. Oui, je voulais vous poser la question d'ailleurs. Simone Veil, j'ai été convoqué par Serge Klarsfeld. Ouais. On dit, mais maître, vous êtes commis d'office, très bien, mais y a-t-il quelqu'un qui a armé son bras? Y a-t-il quelqu'un derrière? J'ai écouté maître, mon cher ami, madame la ministre, c'est des gens pour qui j'ai grande admiration, grande estime, évidemment. J'aurais dit respectueusement, mon devoir de défenseur, c'est d'aller chercher les commanditaires pour atténuer la peine de mon client. J'ai épluché sa vie. Je suis allé voir Marie-Thérèse Didier, c'est beaucoup d'émotion d'entendre cette dame qui était... Sa mère, hein. Oui, pardon, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, très bien, vous avez vu Marie-Thérèse, mais c'est sa... Oui, sa maman. Je rappelais que c'était sa mère. Oui, sa maman. Son frère, qui habitait le Canada, qui était revenu après le crime, et son entourage, le maire de Saint-Dié, qui d'ailleurs était socialiste, Monsieur Pierret, et tout ceux-là, tout... J'ai épluché ses amis, je suis allé voir ses copains d'enfance, les gens qu'il avait vus, j'ai fait l'enquête... à Saint-Dié, je n'ai pas trouvé la trace d'autre chose... Qu'un acte isolé. Que la décision d'un homme qui avait, pour moi d'ailleurs, c'était le vrai mobile de Didier, c'était qu'il voulait mourir. Ah, c'est un homme qui cherchait la mort. C'est intéressant ce que vous dites. C'est un homme qui cherchait le moyen de se débarrasser de lui-même. Et je l'ai compris quand il m'a dit... Moi, je ne m'attendais pas à réussir. Je pensais que j'allais être abattu par les gardes du corps de ce salaud. Et là, je me suis dit, oui, il est dans un autre monde. Donc il voulait se supprimer, en même temps supprimer un salaud. C'était l'accord entre sa morale. Et sa conscience. Oui, c'était ça, Didier. Et je veux lui rendre cet hommage, après tout. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Arnaud Montebourg, que retenez-vous là aujourd'hui du procès? Je parle bien du procès, l'ambiance, la façon dont les débats ont été menés. Comment vous l'avez vécu ce procès? Il n'y a pas eu d'interdit pesant sur une forme de procès de la victime. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre l'acte de Christian Didier si on ne faisait pas le portrait de la victime. Alors que c'est généralement tout à fait prohibé. Le président intervient en disant « ne déshonorez pas la victime ». Mais là, la victime était l'objet du débat. Et ça, les dizaines de témoins que j'ai réussi à convaincre, de venir au tribunal, Lucie Aubrac, Serge Klarsfeld, bien sûr, Daniel Mayer, l'ancien président du Conseil constitutionnel. Sous la quatrième. Sous la cinquième. Président du Conseil constitutionnel, nommé par Mitterrand. Constitutionnel, avant, avant Robert Badinter. Est venu dire que lui, il considérait que c'était un acte justifiable. Des résistants sont venus, commandeur de la Légion d'honneur, qui s'était battu pour défendre la patrie, occupée par les nazis et la Wehrmacht. Avait dit, si ça avait été moi, je l'aurais exécuté en 49. Et on a entendu aussi la tête rescapée dans le récit. Beaucoup. Veldive, hein, qui j'en ai trouvé une petite dizaine. Ouais. Hein, parmi ceux qui avaient porté plainte aux côtés de Serge Klarsfeld contre Bousquet. Donc, si vous voulez, vous voyez bien que les choses étaient difficiles. La justice n'était pas passée. Et donc, quelqu'un s'est saisi de ce vide pour le remplir de ce besoin de justice. Et alors, au bout du compte, 10 ans de prison pour la défense, c'est un échec. Parce que c'est pas non plus 20 ans, quoi. C'est 10 ans. Bon. Bah, faut aller passer les 10 ans. Il en a fait 7. Oui, il en a fait 7, effectivement. Bah, c'est plus que Papon, Touvier, Bousquet réunis. Voilà. Et pour moi, c'est une forme d'injustice. À sa libération, au mois de mars 2000, Christian Didier recevra de nouveau les journalistes chez lui, à Saint-Dié-des-Vosges. Écoutons-le, il revient sur son geste. Aujourd'hui, je pense que c'est une monumentale bourde, une monumentale erreur, et qu'il y a une justice qui est là pour ça, et qu'on n'a pas à se substituer à la justice des hommes ni à la justice de Dieu. J'étais dans une phase délirante, je croyais que ces gestes-là étaient ma mission sur Terre, et il y avait une partie de mysticisme délirant chez moi qui m'ont conduit à ce geste. À quoi vous ont servi ces 7 ans de prison ? À me détruire la santé, mentale et physique, je veux dire. J'ai beaucoup souffert, mais j'ai eu le temps vraiment d'expier mon geste. Je me suis dit, si le procès Papon a eu lieu, comme c'est le cas, peut-être que le procès Bousquet aurait eu lieu aussi et que j'avais amputé la France d'un procès important. Mais ça, je ne l'ai réalisé qu'après. J'ai des livres que j'ai écrits, que je pense remanier, remettre un peu d'ordre. Ça, j'essaierai de le faire quand même, parce que tout ça n'aura pas servi à rien. Des remords, hein? Oui, c'est un homme sincère, il faut lui reconnaître ça. C'est un homme simple, sincère, un cœur simple, a écrit Flaubert, une nouvelle qui provoque toujours l'émotion, racontant cette vie de sincérité. Bon, il est allé au bout de ce qu'il croyait, il l'a payé très cher. Il l'a payé probablement même de la dégradation définitive de sa santé. Alors, question épineuse. Est-ce que Bousquet a échappé à la justice, notamment grâce à un éventuel conditionnel soutien de François Mitterrand ? Alors, vous avez d'abord des éléments objectifs et factuels. La prise de position de Georges Kechmann, ministre délégué à la justice, demandant la paix civile, c'est-à-dire on ne va pas éternellement réouvrir ces dossiers. De la part de Georges Kechmann, fils de déporté, ça avait provoqué des réactions extrêmement vives à l'époque. Donc j'ai fait mon travail. Je suis allé voir les magistrats qui étaient en charge, pour le compte de mon client, des poursuites contre Bousquet. J'en ai rencontré un, le substitut du procureur au palais de justice de Paris. Je l'ai fait parler dans ce tête-à-tête, vous voyez, qui ressemble un peu au nôtre. Et je lui ai dit, il s'appelait Marc Domingo. Je donne son nom, puisque c'est prescrit tout ça. Et donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, j'ai vu un homme qui se tortillait sur sa chaise, mais qui a fini, au bout de moult circonlocutions, me dire, on nous a demandé de mettre ça sous la pile. On ? Ses chefs, donc. Il a des chefs, un substitut du procureur. Si je peux me permettre, et Dieu dans tout ça, Mitterrand, en l'occurrence. Mais s'il a un chef, qui lui demande de faire ça, je suis allé voir l'homme de base, celui qui était chargé de requérir, de faire les actes, de poursuivre, d'enquêter, de demander au juge d'instruction de faire ceci, de faire cela. Bien. Donc, moi, je l'ai fait citer devant la cour. Évidemment. Parce que c'était la justification de l'acte, du crime commis par... Didier. Parlons clair, est-ce que vous pensez, vous, que... Attendez, avant mon opinion, je vais vous dire ce qu'il a dit devant la cour. Ouais. Il n'a rien dit devant la cour. Vous savez, j'ai fait ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent ça la cross-examination. On le prend à droite, on le prend à gauche, on tourne au-dessus, on le reprend par derrière. Rien. Il n'a rien voulu dire. Donc ce n'est que sa parole contre la mienne, dans un tête-à-tête. Moi, mon opinion, c'est qu'évidemment, dès lors que le ministre délégué à la justice, qui était Georges Kechmann, dit « on arrête tous ces trucs », se heurtant d'ailleurs aux familles, mais, bien sûr, et à l'injustice de la décision de la Haute Cour de 49 qui a acquitté, ou en tout cas a épargné, on va dire, René Bousquet, c'est évident que cette question n'était pas résolue. Donc, à mon sens, l'appareil judiciaire, même si un juge d'instruction est indépendant, qu'il peut faire les actes qu'il veut et qu'il avance, le parquet joue un rôle important, mais pas définitif. Donc, que le parquet soit ralentisseur, ça j'en ai la conviction. Que les juges d'instruction aient pu passer outre, j'en ai aussi la conviction. Donc finalement, il y a eu là une ambiance qui était celle de la retenue. Et c'est dans ce vide-là, qui a été d'ailleurs considéré comme tel par le Français moyen qu'était Christian Didier. Oui. Il s'est emparé d'un revolver. Et quand il a tiré dans l'abdomen de sa victime, Bousquet a dit « salaud ». Ce mot « salaud », c'est celui que j'ai retrouvé dans la bouche de Didier parlant de sa victime. Merci infiniment, Arnaud Montebourg. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Christian Didier, l'assassin de René Bousquet. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.